Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Allô, Top, pour faire le Mickaël. Oui, Mickaël. Alors donc, il faut que je t'explique un truc. Donc j'avais dit Mickaël Ravel la Belgique, un peu particulier. Devant l'école l'Athénée Royal André Thomas à Forêt. Ouais. Avec un mégaphone et que ça gêne personne. C'est-à-dire, ouais, mais vous faites quoi avec le mégaphone? Eh ben, on va rentrer et puis on va réveiller l'école. Ah bah vas-y alors. Allez, vas-y. 3, 2, 1. Ils sont là avec l'homme, avec deux mégaphones. Mets la sirène. Ah, la sirène. Ils vont se faire choper. Ah, c'est bon. Voilà. Bon, allez, remets encore un petit coup là. Maintenant, il est temps de déguerpir, les gars. Reparle encore un petit coup là. Refais la pub. De quoi? Mais là, on est sorti de l'école là. Ah, vous êtes sorti? Ah, d'accord, ok, tant pis. En fait, ouais, quand on a vu que les souriants commençaient à nous courser, on est sorti. Très bien, bah ben, voilà. C'était à quelle école là, qu'on sache quand même? L'Athénée Royal André Thomas à Forêt. D'accord, très bien, donc pas loin de la radio. Bon bah nickel, si vous voulez faire pareil aussi dans votre école, c'est vrai que ça a redémarré les cours maintenant. N'hésitez pas, hein, si vous avez un petit mégaphone ou si vous criez fort, on peut faire ça en direct de l'école dans la cour de récré, ça peut être cool. Bon bah à tout à l'heure, de toute façon vous avez filmé, on mettra ça sur le site. Oui, on a filmé, alors je ne sais pas comment c'est filmé parce que c'est l'homme qui s'en est occupé. Oh bah mal alors, à mon avis. Mais c'est filmé. D'accord, bon bah très bien, avec un peu de chance on verra le sol. Bon à tout à l'heure. C'est déjà pas mal, mais au moins on aura le son, c'est toujours pas mais oui, mais oui, mais c'est ça, voilà. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Allô? Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Nous avons qui est avec nous maintenant pour faire la déclaration express? Bonjour. Nous avons Rémi. Salut Rémi. Ah, allô. Ça va bien Rémi? Rémi qui est toujours à la recherche de sa famille. Bah oui. Ça va bien Rémi, t'es dans quelle ville? Herve. Très bien, oui. Et tu c'est as quel âge? C'est ça la petite odeur, c'est le fromage. Ouais. 20 ans, tu veux faire une petite déclaration express? Oui. Et ben on fait ça chaque matin vers 8h20 avec Sébastien Loeb. Et donc le concept est simple. Tu as peut-être une copine, une fille en vue. Tu n'oses pas trop aller lui parler. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour aider à t'enlever cette timidité. Nous allons appeler qui? Ta copine ou ta future copine? Ta copine. Et pourquoi tu veux l'appeler pour faire une déclaration express puisque c'est déjà ta copine? Parce que ça ne l'est bientôt plus. D'accord. Très bien. Mais c'est beau justement. C'est magnifique. Ah oui, c'est comment mignon. S'appelle ta copine? Dorian, on va l'appeler, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, écoute bien, d'accord? Et à ce moment-là, okay. nous on dégaine, ok? Ok. Allez, on y va, attention, petite essai musique. Parfait. Oh là là. J'ai déjà très très peur. Oh là là, oui. Ça va être bon. Allez, oula. Et si c'est le répondeur, tu laisses un message sur le répondeur, bien sûr. Peut-être qu'on va virer les papiers pleins de graisse. Eh ben, du vieux pain. Pour l'instant, ça ne téléphone pas beaucoup. Ah voilà. Oui, mais on a un standard qui est un peu fatigué. Allô? Allô, Dorian? Oui. C'est Rémi. Oui. Écoute, j'ai quelque chose à te dire. On s'est rencontrés et c'était dans le bus. Je buvais une grande bouteille de vodka russe. Et chaque fois que tu passais sur mon chemin, dans mon boxer, je perdais mes moyens. Nous deux on se connaît, pas depuis blindé. Mais quand je pense à toi, pas besoin de Viagra. T'es venu me parler au mois de juillet. Une amie à toi m'avait repéré. T'habites à Soumagne, moi j'habite à Herve. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de verve. Et quand on s'est revu, j'ai maté ton cul. Tu ne m'as pas giflé, t'as cru que je déconnais. Mais quand on était dans cette ruelle, tu m'as avoué que t'étais pucelle. Je me suis approché gentiment de toi. T'es déshabillé et t'es vidé. Tout de suite casser le délire là. Tu vois, Emilien, qu'est-ce que t'en as pensé du coup alors, Rémi? Moi je trouvais que c'était bien. J'attendais ça de l'ombre. Ah ouais, c'est vrai. Non mais ta copine a l'air de bien avoir, avoir trouvé ça drôle aussi, donc c'est bien. Eh ben voilà, très bien, c'est une affaire qui roule. Ce soir, elle sera te remercier comme il se doit. Comme il se doit. Bah tiens. Bah bien sûr. Bon, passez une bonne journée tous les deux, à bientôt. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Salut Fred, comment ça va Fred? Bah, un peu la tête dans le cul, ça va. Oh, oh là là, bah... oui, c'est le grand grand matin là. Ouais, c'est le matin pour tout le monde, qu'est-ce que tu veux? Bon, alors, quoique, c'est quasiment nous là. C'est... Ah bah voilà, ah bah bravo. Ah donc il commence déjà à tout casser. Ah bravo, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas fait 5 mètres, que déjà il a pété des trucs, toi. Enfin, je, c'est parfait. C'est-à-dire que je n'ai pas encore levé le plateau, que déjà c'est tombé. En voilà, fait il est passé, ouais. Il a frôlé le catalogue qui était là, il y avait un verre dessus. Eh bah voilà, eh bah voilà. Bon, alors attention, Fred, tu as quel âge? 22 ans. D'accord, ok, très bien. Tiens, on proposait un tampon comme réponse. Mais je vois mal les mecs mettre un tampon, hein. Oh, tu sais, il y a des mecs bizarres. Ouais, non, mais, je suis sûr qu'il y en a qui ont déjà essayé. Non, mais quand t'es bizarre, peut-être, mais en temps normal, voyons. Bon, Fred, attention, tu vas jouer au petit déj express. Le petit déj express, pardon, c'est facile. Toff se prend pour un serveur. Il a des objets de petit déj hein, sur le tableau, oh, oui, oui. Sur le plateau, pardon. Ah, bon petit déj. Ah, ah oui, oui, que des bouteilles d'alcoolique. Voilà. Et donc, bah, il va c'est faire. Un petit déj alcoolo, quoi. Il va tenter de faire le tour du studio et tenter de ne rien faire tomber. Mais à ton avis, sur 10 objets qu'il y a sur le plateau, combien d'objets restera-t-il? Pour être raisonnable, je vais aller 2. Eh bien, tu es peut-être un peu optimiste, mais 2, c'est validé. Bah, c'est-à-dire que Toff s'améliore de jour en jour. Oui, hein. Mais bon, tu remarqueras que ça tombe toujours malgré tout au final. Hein. Oui, c'est ouais, vrai, mais on ne sait jamais. C'est vrai. On allez, c'est jamais. Parti, on y va, go. Vas-y, Toff. Allez, pour l'instant, tout va bien. Oui. Non, c'est le tournant, non, c'est ça, le tournant. Aïe. Bon, ben Fred. Ah, j'étais plus loin ouais. Encore. Hein. Ouais, il a été oui, plus loin, mais, plus tu... plus mais... Loin, hein. Ouais, mais pas encore assez. Un jour, je vais faire un tour. Je... Bah, ouais, bah, c'est pas sûr encore. Hein. Bon, bah, en tout cas, bravo à toi, puisque tu as perdu. Ah, dommage. Bah, c'est pas grave, Fred. Hein. Tu retentes bravo ta chance. Parce que tu as perdu. Tu retentes ta chance quand tu veux, d'accord? Eh ben, ok, pas de soucis. Salut, salut, à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Et bonne mission. Eh ben, merci à toi, Fred. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et ce matin, Toff essaye de voir si en Belgique aussi on peut obtenir de l'argent si ton mari ou ta femme ne veut plus avoir de rapport sexuel. Bah ouais, parce que comme Julie elle l'a dit hier, il y a quand même un mec qui a réussi à être condamné à 10 000 euros. Ah, parce qu'il oui, il couchait plus avec sa femme. Et donc, bon, et sa femme elle va toucher ça, c'est quand même pas mal. Et donc, toi t'appelles des avocats belges pour faire pareil. C'est ça, enfin, j'essaye de faire payer un max voilà, avant de la virer, quoi. C'est bien sûr, cool. C'est pas très joli, hein, et bon, enfin, bref. Bon, on appelle où? On avait appelé à Dinan tout à l'heure, ça a pas bien marché. Bah écoute, je propose qu'on appelle à Verviers. À Verviers, je suis d'accord. Sûr que là-bas, ils s'y connaissent en divorce. Oui, bon, bah, je sais pas s'ils s'y connaissent plus qu'ailleurs, mais on va essayer. Et on donnera la réponse aussi dans un instant à la petite devinette qui colle. Je rappelle encore un coup, hein, quel est le seul instrument à vent à une seule corde? 6322 pour les bonnes réponses. Voilà, ça sonne. Verviers, oui, c'est ça. Bureau d'avocat? Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai lu un article sur un couple en France dont la femme a obtenu 10 000 euros parce que son mari ne voulait plus lui faire l'amour. Bon. Là, je ne sais pas du tout, monsieur. Ah oui. Vous souhaitez que je vous passe un avocat? Ah, bah, s'il vous plaît, oui. Un petit instant. Je vous remercie. Allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'ai vu, donc j'ai lu cet article sur internet où une dame a obtenu 10 000 euros de son ex-mari puisqu'ils ont divorcé parce qu'il ne lui faisait plus l'amour. Oui. Voilà. Et en fait, moi, je vous appelle parce que voilà, donc je suis marié avec ma femme depuis presque 20 ans. Et ça va bientôt faire 2 ans que nous n'avons plus rien fait du tout. Hein. Et la fois d'avant, ça faisait quand même presque 6 mois. Et donc, j'aurais voulu savoir bon, si j'aurais pu la faire cracher un petit peu et obtenir quelques dommages et intérêts pour bon, ma consommation de prostituée que j'ai en ce moment. Hein, puisque voilà, je suis obligé de me contenter avec des filles de joie. Vous ne comptez pas divorcer? Ah si, moi si je peux m'en séparer. Moi je ne l'avais pas fait avant parce que je pensais que ça allait me coûter cher. Mais si elle peut payer cette connasse, moi ça m'arrange. Oui mais c'est... la démarche de divorce n'est pas automatiquement agressive. Donc ah mais c'est pas agressif du tout, hein. Moi je l'aime bien, vous savez, fait quand même le ménage et la vaisselle et la lessive. Ça, à vous de faire un choix, évidemment. Soit vous voulez maintenir une relation avec votre épouse parce que vous êtes habitué à ce moment-là, vous vivez comme ça, et si vous voulez avoir des relations, vous pouvez toujours le faire. Soit alors vous voulez vraiment être libre et débarrasser de votre épouse, à ce moment-là, il faut prendre la décision de divorcer. Oui, mais moi je veux être sûr que si on divorce, elle paye, vous comprenez? Parce que si elle ne payera pas spécialement. Ça, ah oui, mais non, ça ne m'arrange pas, monsieur. Non, ça on ne paye pas parce que... Ah oui. Soit ça dépend de vos situations financières à chacun. Oui. Est-ce que vous avez, ah bah elle n'a pas un rond, donc... Ah bah voilà, si elle n'a pas un rond, elle ne va sûrement pas payer. Alors. Ah oui. Donc si vous voulez divorcer, vous pouvez divorcer, mais alors ça se fera correctement et ça ne sert à rien de se salir devant le tribunal. Ah bon, bah écoutez, je suis très déçu, monsieur. Alors je vais la garder encore un peu, hein, écoutez. Ben voilà. Bon, je suis écouté, ça. Tant qu'à faire, autant qu'elle me serve. Hein. Oh non. Bon, bah écoutez, je vous remercie pour ces conseils, monsieur. Je vous en prie, au revoir. Bonne journée, au revoir. Eh ben voilà, des bons conseils. Ah mais des bons conseils. Ah, très bonne avocat, je trouve. L'avocat Verviers, c'est de quoi il parle, hein. Voilà. Ah oui, non mais je suis sûr qu'il a d'office des cas comme ça, hein. Ah, qu'il appelle pour le gars, il savait quoi dire, il savait quoi répondre. Ah, dans son métier, parce qu'à un moment, t'as envie de vous vous foutez de moi, monsieur. Ah, oui, c'est ça, t'as mais envie non. De lui dire, mais tu peux pas, c'est ton boulot. Mais même, il y a vraiment des gens, je suis sûr qu'il appelle pour lui dire ça, quoi. Ah mais certainement, mais bien sûr. J'ai envie de m'en débarrasser. Est-ce que je peux tirer du pognon? Non, bah je vais la garder alors. Exactement. Ah oui, attends, si je gagne pas d'argent, à quoi ça sert? Ah bien sûr, attends, évidemment. Autant qu'elle fasse les tâches ménagères. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio.